Chapitre 2. À cette date, les murs de Metz se couvrent d'affiches annonçant par trois mots, joyeux comme un bulletin de victoire, que Salvatore est arrivé. Et l'on voit les Allemands se ruer dans les brasseries. Salvatore est une bière de Munich, fameuse dans sa fraîcheur, qu'ils boivent jusqu'au vomissement. Quand ils ne peuvent plus parler, il suffit qu'ils laissent lever le couvercle de leur pot à bière, et les servantes, toujours lymphatiques, mais électrisés par cette grande semaine, ramassent les pots, ne les rincent plus, les remplissent et les confondent. Qui s'en plaindrait dans cette immense communion? Mais il arrive des accidents, et M. Asmus allait voir. Une nuit, vers 2 heures du matin, Colette entendit un pas lourd qui titubait, trébuchait à chaque marche. « Bon, dit-elle avec dégoût, c'est l'électricien, pauvre femme !» Mais le pas s'arrêtait au premier étage. Une clé tâtonnait autour de la serrure, puis des jurons. La voix du professeur. Le sentiment de l'honneur du foyer envahit subitement la jeune fille. Elle se lève, court à la porte, ordonne à l'ivrogne d'attendre, hésite à réveiller sa mère, s'habille, s'indigne à l'idée que les voisins pourront dire « Ah bien, il en fait une vie !» l'Allemand de chez les Bodoches. Et puis il lui ouvre. Quel sale maintien il avait, tout souillé et penché contre le mur. Un homme si instruit et tellement honnête. Alors, sans marquer d'indignation ni de colère, mais lui imposant par sa sévérité, elle le mène jusque chez lui, ne s'attarde pas aux remerciements qu'il balbutie d'une langue trop lourde, et revenue auprès de sa mère, qui dort toujours, elle se dit « Tant de belles choses qu'il nous a racontées sur la noble vie familiale dans son pays ne rendent que plus odieuse sa conduite. Serait-ce donc qu'il nous méprise ?» Le lendemain, à son réveil, l'Allemand estima qu'il devait des remerciements à la jeune fille. Il s'arrangea pour la rencontrer, au bas de l'escalier, et lui dit avec une paisible assurance « Je vous ai bien fait des ennuis hier soir, mademoiselle Colette. Je vous remercie d'avoir été si bonne pour moi. » « Ah, monsieur le docteur, jamais je n'aurais cru que vous puissiez vous mettre dans un état pareil. »« Ce sont nos mœurs, » dit-il. Et sur un ton plaisant, il exposa que depuis qu'il est question des germains dans le monde, on leur voit cette habitude nationale de boire, et qu'aujourd'hui encore, c'est le vice dont se glorifient les plus illustres citoyens de l'Empire. Il ajouta que l'usage de la bière, très nourrissante et peu riche en alcool, entretenait la force musculaire des Allemands. « Alors, dit la jeune fille, chez vous autres, un monsieur a le droit de se montrer plus grossier que ne voudrait l'être un simple ouvrier messin ?» Monsieur Asmus sentit confusément qu'il venait de se mettre dans son tort. Et comme il était net dans toutes ses actions, dès le soir même, au lieu de sortir, il revint occuper sa place dans la salle à manger. Les paisibles conversations reprirent. Il crut voir que Madame Bodoche s'en félicitait, mais que la jeune fille tenait désormais en suspicion l'idéalisme de l'Allemagne. Et prudemment, il se réfugia dans la collection de l'Austrasie. Un soir, il lisait à haute voix un article poétique quand éclata sur leur tête un affreux vacarme de meubles renversés. « Gros abus, » dit Madame Bodoche. Le professeur regarda Colette. Mais là-haut, maintenant, les cris se mêlaient à un fracas de vaisselle, et si fort que tout droit et épouvanté, ils gravirent en hâte l'escalier. Chez les Crosses, ils trouvèrent dans une chambre bouleversée toute la famille en bataille, autour de l'ivrogne écroulé. « Voyez-le, » dit la femme en le montrant aux dames Bodoche. « Mes parents ne m'ont jamais pardonné mon mariage avec lui. Eh bien, croiriez-vous qu'il vient d'aller leur demander de l'argent? Faut-il être assez prussien pour manquer ainsi de cœur ?» À 7 minutes, le petit garçon de 7 ans, qui se tenait cramponné en pleurant aux jupes de sa mère, la saisit par les mains, et la figure suppliante tournée vers elle lui cria « N'est-ce pas, maman, que je ne suis pas un prussien ?» Et ce fut une belle chose, alors, de voir le professeur, excité par cette tragicomédie, prendre à partie en allemand son compatriote vaincu par le Salvatore, et lui crier sous la table qu'il devait écouter sa femme et qu'elle valait 1000 fois mieux que lui. Dorénavant, si l'on parlait de l'électricien, mademoiselle Colette retenait un sourire, et M. Asmus s'embarrassait. Mais la grand-mère ignorait toujours l'aventure bachique du professeur. Les deux jeunes gens avaient un secret. Sa naissance prédisposait M. Asmus à goûter cette vie humble et familière, qui peut s'épanouir dans tous les climats, mais où l'étonne ici la nuance messine. Une discipline aisée, certains rites d'étiquette, et puis un usage de la raillerie interdit à des hommes trop neufs. Ce jeune colosse subit à son insu l'enchantement, la douceur d'une politesse naturelle et constante. Ces dames l'engageaient beaucoup à faire le voyage de Nancy. « Pour les coutumes et les manières, disait Madame Baudoche, Nancy ne vaut pas le Metz d'avant la guerre, mais le décor est bien joli. Je suis sûr qu'elle vous plairait, toute cette élégance française. » Elles le persuadèrent, et durant ses vacances de Pâques, il s'en alla paisiblement passer 48 heures de l'autre côté de la frontière. Monsieur Asmus n'avait aucune idée de s'intéresser aux Nancy modernes, car l'Allemagne possède de nombreux exemples d'une prospérité analogue. Et il se souciait peu du Nancy de nos ducs, si naturel, si fort, si touchant, où l'on respire une poésie noble et familière. Comme la plupart de ses compatriotes éclairés, il demandait à la France qu'elle lui présentât de beaux modèles du XVIIIe siècle. Aussitôt arrivé, il s'en alla tout droit vers ce qui fut préparé pour plaire, et de la gare descendit sur les trois places fameuses que la ville, tout empressée qu'elle soit aux affaires, conserve comme des salons où recevoir et éblouir les étrangers. Le bel endroit charmant de clarté, d'équilibre et d'élégante fantaisie. Aucune ville au monde n'offre une œuvre du XVIIIe siècle comparable à cet ensemble architectural, construit par les ouvriers de la Lorraine, sous la direction de l'un d'eux, Emmanuel Héré, qui s'était approprié la fleur des ouvrages classiques de France et d'Italie. Ici demeure fixée la minute rapide où notre société atteignit un point de perfection. Ce Nancy perpétue les sentiments, les manières d'être d'un monde où la plus extrême politesse fleurissait sur un fond sérieux jusqu'à la sévérité. Il y avait en haut une infinie délicatesse, une délicatesse à faire frémir, mais soutenue par des réserves magnifiques de santé et d'honnêteté. Toutes ces belles choses de Lunéville et de Versailles, si plaisantes et si libres, était comprise par un peuple consciencieux d'ouvriers. Ce double caractère, cet heureux équilibre de la discipline et du caprice, c'est la gloire du Nancy de Stanislas. On y trouve la marque d'une volonté sûre de soi, servie avec la plus brillante exactitude. Quelle leçon de justesse dans la pensée et dans l'exécution! Ces trois places font trois inventions de la plus belle unité, en même temps qu'elles contrastent nettement les unes avec les autres. Chaque feuille de ce beau trèfle semble s'offrir comme un emblème. Ici la place Stanislas, un vaste palais, quatre grands pavillons et deux plus petits, tous les cinq d'un style noble et grave, la dessine et ses bâtiments majestueux à la Louis XIV prennent leur grâce des fameuses grilles, égayées d'or, et des fontaines rococo, cependant qu'ils les relèvent en noblesse. Véritable place royale, elle étale largement au regard un principe bien assis de gouvernement, réglé, contenu par les hommes d'études, policé par le sentiment féminin, obéi par l'énergie ouvrière. Toute voisine, la carrière, où nous conduit un arc de triomphe, avec les graves maisons qui bordent son rectangle, nous donne l'idée d'une classe solide, fortement installée pour la défense sociale. Et non loin, un peu à l'écart, la petite place d'Alliance, uniforme, solitaire et taciturne, d'où le jet d'eau retombe dans le carré des tilleuls, exhale une sorte de mélancolie janséniste et nous rend sensible encore la douloureuse crise de la conscience nationale séparée de ses ducs. Bien des automnes se sont entassés, avec les feuilles de ces vieux arbres, sur la source lorraine, et pourtant, auprès de la fontaine de Sifflet, on entend toujours s'égoutter nos regrets. La mémoire de ces temps jadis n'a pu s'évanouir. Leurs beaux monuments répondent aux manières de sentir Lorraine. Ce Nancy, aux portes d'or, n'a pas été déshonoré en passant à l'usage de magistrats cultivés ou de jeunes officiers. Les Nancéens ne contrarient pas les effets de leurs trois places. Les beaux arbres qu'ils font pousser encadrent de leur verdure les fontaines monumentales. Et ce décor, où des étrangers risqueraient de ne voir qu'une façade un peu glacée, prend d'année en année plus d'hommes au goût de ces Lorrains, qui se plaisent à cacher leurs flammes sous un masque de froideur. J'ai vécu indéfiniment sur ces belles places nancéennes. J'y ai vécu ma vie, une jeune vie à la française, audacieuse et mesurée. Elles sont pleines des menus faits de ma jeunesse et toutes colorées de mes jours passés. Et si j'aime y revenir, c'est moins pour leur art précieux que pour mes sentiments qu'elles raniment. Sur cette longue place carrière, à main gauche, ce froid autel ne va-t-il pas s'ouvrir? Et cette lourde porte, désormais inutile, ne vais-je pas voir sortir le compagnon de ma jeunesse, Stanislas de Gaïta, tout rayonnant d'amitié et des beaux vers qu'il vient de créer. Il m'entraîne, nous irons encore vers toutes les jeunes folies, et joyeusement nous redoublerons nos absurdes gaspillages. Quel étudiant joignit jamais une telle impétuosité d'exubérance physique à un si vif sentiment intérieur du divin? Je voudrais ce soir l'écouter et mieux saisir cette profonde pensée poétique, rhénane, toute pleine des sorcelleries lorraines. Mais ma solitude m'égare, qu'on les excuse ces troubles causés par la sympathie. Une musique indéfinie se lève de ces beaux endroits, dont le caractère est si net et le discours si précis. Ces trois places, pour aucun lorrain, ne peuvent être une sèche et morne connaissance pédagogique. Combien de soirs, au cours des années, n'ont-ils pas vu le soleil couchant et leurs rêves illuminer les vieilles fenêtres, aux reflets métalliques, du superbe palais devenu leur hôtel de ville? Il est impossible d'aimer, voire de comprendre aucun objet, si nous n'avons pas mêlé nos songes à sa réalité, établi un lien entre lui et notre vie. C'est peu d'avoir consciencieusement tourné autour d'une belle chose. L'essentiel, c'est de sentir ses qualités morales et de participer du principe d'où elle est née. Il faut devenir le frère d'une beauté pour bien commencer à l'aimer. Et M. Asmus lui-même, que trouverait-il sur la place Stanislas ce soir, s'il ne la rattachait à ses expériences vivantes? Le bon professeur, avant de quitter Metz, a consulté plusieurs membres éminents de la Société d'archéologie. Il a farci d'impressions préalables son carnet de choses vues. Voilà le meilleur moyen de tout savoir et de ne rien comprendre. Heureusement qu'il a pour toucher, avertir son cœur, la grâce de Mademoiselle Colette. C'est par elle que cette place ne reste pas devant ses yeux un fait d'histoire, une élégante réussite. Sans le stage qu'il s'accomplit, qu'est Félix Maréchal, il serait un de ces Allemands aux poches bourrées de livres, que l'on voit arpenter, étudier, contrôler nos trois places, et dont il faudrait croire qu'ils sont les plus fins connaisseurs en délicatesse d'art, si l'on ne remarquait qu'ils se mouchent dans des carrés de papier. Fâcheux signe extérieur. On peut craindre que des hommes, si primitifs, ne possèdent pas l'esprit de ces lieux, et que nos merveilles raffinées ne soient pour eux des objets de musée et d'érudition, des formules. Mais Asmus a bien mûri, depuis qu'il est chez les dames Bodoche. Dans cette neuve et saine nature de pédant, la petite vie des deux Messines se relie à ce décor nancéen. Il y a un rapport que l'âme, à défaut des yeux, saisirait entre cette humilité et cette magnificence. La paix que les habitudes de ces dames communiquent aux choses, l'exacte symétrie de leurs meubles, la figure même de Colette, tout ce qu'il y a dans leur atmosphère, de net, de froid, d'élégant, a mis le professeur sur la voie de Nancy. Son cœur l'emporte vers la jeune fille. C'est elle, pense-t-il, qui me tire le rideau de la beauté française. Il s'attendrit, et tout le précieux trésor d'expérience qu'il a, depuis 8 mois amassé, il l'étale sur cette place, pour y vivre sans remords, la plus romanesque soirée. Qu'il est heureux et réjoui, le bon professeur, comme il respire agréablement, en buvant du vin sur cette place Stanislas. Nancy l'allège, le libère. Certes, depuis qu'il avait sous les yeux quelques images françaises, il souffrait confusément de ce qu'il y a d'embrouillé dans la civilisation allemande. Mais aujourd'hui, il aperçoit clairement quel fatras poussiéreux surcharge les greniers de son esprit. Il se connaît comme une chambre de débarras, où s'accumulent d'immenses lectures, tout un encombrement venu du dehors. Pour la première fois, il s'explique ce que voulait dire Madame Boudoche quand elle s'écriait avec impatience « Monsieur le docteur, tout ça, c'est des embrouilles à mini !» Jusqu'alors, il avait pour idéal Nuremberg. Mais voici qu'en une seconde, il apprend à distinguer ce qui est pittoresque de ce qui est beau. Ainsi, M. Asmus, sur cette grande place demi-obscure, s'enivre de rêverie. Devant un verre de vin, toutefois, car cette volupté française un peu sèche a besoin qu'on la mouille. Mais sous l'action de si beaux modèles, il se sent devenir gentilhomme. Comme j'étais ivre l'autre soir, si je titube à Nuremberg, c'est fort décent. Mais je ne me consolerai pas d'avoir manqué aux convenances sur la place Stanislas. C'est le soir après dîner. Des bourgeois se promènent autour de la statue, dans le centre sablé, interdit aux voitures. Ils devisent et prennent le frais, en attendant l'heure de dormir. Toute l'animation est rassemblée devant l'un des pavillons bas de la place. Un groupe élégant de jeunes viveurs occupe la terrasse d'un restaurant doucement éclairé. On cause, on prend des glaces, et l'on regarde de jolies filles entrer, sortir, monter en voiture. M. Asmus les compare, avec admiration, à leurs collègues allemandes, qui versent de la bière dans des brasseries fétides. « Ce sont des princesses, pense-t-il, des sœurs indignes, mais des sœurs de Mademoiselle Colette. » M. Asmus s'égare dans des songeries d'un style Louis XV. Et cette voiture de jeune plaisir qui s'éloigne au tournant de la belle place, il lui plaît d'y voir de tendres caprices et des sidalises qui se réveillent pour accueillir d'un sourire indigne érudit allemand. À son retour, M. Asmus trouva une vive querelle ouverte dans Metz. Une ordonnance du président de la Lorraine venait de supprimer l'enseignement du français dans les écoles de quatre villages. Moyeuvre Grande, Fontoy, Knutange et Audin-le-Tiche. Ces mesures sont fréquentes et leur effet toujours pareil. Elles réjouissent les immigrés, en même temps qu'elles indignent l'indigène. Au grand scandale de ses collègues, déjà fort agacés par l'enthousiasme qui la rapportait de Nancy, M. Asmus soutint que détruire la langue française en Lorraine, c'était bel et bien détruire des intelligences. « Prenons, disait-il, un enfant qui arrive à l'école. Vos maîtres refusent de lui apprendre à lire et à écrire le français. Ils ne peuvent pourtant pas faire que l'allemand soit sa langue naturelle. Voilà donc un estropié pour la vie. Où est pour nous le bénéfice? Je voudrais bien qu'on me dise en quoi le pangermanisme profite de cet abêtissement local. J'ai vu des devoirs rédigés dans notre langue par des petits indigènes. Ils ne présentaient aucun sens, n'étaient qu'une suite de mots ineptes. » M. Asmus fit plus que parler. Il agit. Et soupçonnant l'administration de fournir des statistiques inexactes, il s'en alla les contrôler sur place. De village en village, il entra dans un très grand nombre de maisons. Il y goûta le plaisir nouveau d'être salué avec sympathie par des paysans à qui le maire avait appris sa bonne volonté. Ce fut l'emploi de son printemps. Moyeuvre Grande, Fontoy, Knutange et Audin-le-Tiche ont été récemment gâtés par les hauts fourneaux et surchargés d'Italiens. Ces allées venues pour gagner ces pays jaunâtres, de minerais, mirent du moins le jeune professeur en goût de visiter tous les pays qui entourent Metz. Déjà ses collègues l'avaient mené dans les chaumes de Gravelotte et de Mars-la-Tour, sur le tragique plateau de l'Ouest, où toute une vie semble arrêtée, où rien ne bouge que les longues files de peupliers. Il commença de parcourir seul nos campagnes, si mâles sous le grand vent. Il suivit la longue vallée étroite de Montvaux, mince prairie entre des collines, boisées de frênes, de chênes et d'érables. Il découvrit les diverses régions et distingua nos rivières, la Moselle plus aérée, la Nièdre plus intime et la Seille plus grave. La campagne autour de Metz est infiniment chargée, nuancée, pétrie par la culture, par les hommes, par des siècles de grande histoire et d'obscures activités. On n'y voit guère de beaux arbres. Le sol et le climat s'y prêteraient-ils mal? Ou bien cette race positive réalise-t-elle trop vite? Mais dans les crous, tout autour des villages, les mirabelliers courbés, tordus et moussus nous offrent le plus parfumé bouquet de printemps. Et parfois un pêcheur qui marche, les jambes nues, portant ses filets le long de la rivière, au pied d'un bois de hauts peupliers, fait un noble tableau du poussin. Ce grand pays, large et simple, a plusieurs plans, délicieux de souplesse, avec des fonds très noyés. C'est en plus humide, l'atmosphère de Florence. Toutefois, l'Arnaud toscan n'a pas la noblesse fière, la chasteté de notre rivière, quand les saules courbés par le vent se penchent sur elle, qui fuit dans les prairies sombres. Et les larges couleurs profondes que notre terre prend parfois le soir s'accordent avec les vertus éprouvées et calmes de notre nation. M. Asmus quittait quelquefois la Moselle pour atteindre sur sa rive droite la plaine de la Seille, vaste pays du blé et des chênes, où galope un vent éternel. La terre y est grasse, forte, le plus souvent mouillée, en été crevassée. La Seille y serpente à plein bord, au milieu des roseaux, des peupliers et des saules argentés, que la bise ébouriffe. Ces villages que les gens de la Moselle nomment avec dédain les villages perdus de la Seille, tout gris sous des toits rouges, n'ont pas changé depuis des siècles. Leurs paysans sont des abeilles, qui mellifient silencieusement pour le collecteur d'impôts, qu'il soit de Metz, de France ou de Prusse. on y voit çà et là quelques gentilhommières, dont les maîtres sont toujours absents. D'où vient la mélancolie inaltérable de cette plaine, de ses grandes courbes monotones, de ses bouquets isolés, tous pareils, de son vaste ciel tourmenté, de sa terre figée, silencieuse, et des deux minotaures, le Saint-Blaise et le Sommy, toujours dressés sur l'horizon. Allez voir à Sillégny, dans la pauvre église, les fresques pieuses et barbares du XVIe siècle, et son cimetière où subsiste un charnier. C'est de là qu'on épuise le mieux toute la poésie de la Seille, et que se resserre un cœur épanoui sur les bords de la Moselle. Qu'éprouvait dans nos campagnes cet étranger, ce fils des vainqueurs? Les noms de nos villages prenaient-ils pour lui cette sonorité tendre et profonde, à la Mozart qui nous touche l'âme? Savait-il déchiffrer l'écriture mystérieuse que tracent nos arbres légers et leurs feuillages amenuisés dans notre atmosphère bleuâtre? Une pensée délicate, épurée, solitaire, s'élève avec leurs branchages. Ces bois paisibles, qui ne savent rien d'aucune querelle, nous donnent une vive image du devoir, telle que l'accomplit une belle plante humaine, une riche et saine nature, au milieu des maîtres injustes. La leçon utile aux vaincus, notre digne rôle, c'est d'épanouir quand même nos puissances et de les faire au mieux admirables, dussent-elles n'avoir aucun digne admirateur. Un Frédéric Asmus, s'il ne présente pour recueillir notre héritage, en laissera glisser et s'anéantir la plus précieuse part. Il a du moins l'âme en mouvement et très sensible aux choses. Avec quelle avidité, en marchant seul dans la campagne, il regarde, écoute, admire ce qui naît spontanément du sol. Comme il se réjouit d'avoir tant d'inconnus à approfondir. La place Stanislas lui a délivré, épuré l'esprit. Cette campagne lui émeut le cœur. Le beau Nancy de Stanislas, on peut bien le dire, est surtout fait pour parler à des voyageurs pressés. On y trouve une beauté tout en fleurs, une admirable réussite, mais privée de lendemain. On y respire moins nos vertus de terroir que la pensée d'une petite cour, dont le roi fut, plutôt que le dernier des ducs de Lorraine, le premier des majors de table d'hôte. Les campagnes que parcourt aujourd'hui le jeune Allemand sont plus efficaces et meilleures faiseuses d'hommes. Il y a des petits villages, isolés au milieu des espaces ruraux, qui le soir, à l'heure où l'on voit rentrer les bêtes et les gens, m'apparaissent comme des gaufriers, et je crois que tout être, fût-il barbare prussien, soumis à leur action patiente et persistance, y deviendrait lentement lorrain. Bien des générations reposent là au cimetière, mais leur activité persiste. Elle est devenue ce groupe de maisons, ce clocher, cet abreuvoir, cette école qu'entourent les champs bigarrés de couleurs et de formes, et si l'on entre dans cette communauté, on y vient nécessairement se conduire et penser comme ont fait les prédécesseurs. Pour moi, dans ces retraites lorraines, si bien enveloppées, pressées, protégées par leur verdure reconnaissante, où les blés ondulent, où les poulains caracolent, où les filles et les garçons s'interpellent en beau patois, avec des regards éternels, je redresse mes vertus d'âme et de corps. C'est un jardin de paradis, et l'homme de la Prusse orientale ne songe pas à le nier. M. Asmus éprouve une estime affectueuse pour ces vignerons en blouse bleue, qui regardent l'étranger avec indépendance, bien honnête au milieu d'une vie de droite dure et de labeur. Il reconnaît chez les vieilles Lorraines, sous leurs bonnets gaufrés, non pas une âme meilleure et plus limpide que l'âme des vieilles mamans allemandes, mais une vive et saine malice. Il aime à voir les charmantes figures, déjà militaires, des enfants de 14 ans, auprès des figures paisibles et claires de leurs grands-parents. Il écoute avec un plaisir de sympathie, çà et là, dans les champs, mêlés aux mots que les jeunes paysans disent aux chevaux, l'accent railleur et gentil des jeunes filles, de qui la halette, sous l'immense soleil, voile la figure. Bien que privées d'une beauté souveraine, les filles du pays messin, nettes et lumineuses, s'accordent avec les prairies, les collines, le ciel et la rivière, dont elles rehaussent la douceur, en même temps qu'elles y prennent un charme d'exilé. Peut-être M. Asmus attribuait-il à la Lorraine beaucoup de mérites, qu'il ne devait qu'au bien-être de la jeunesse et du printemps. Il est probable qu'il se fût attaché de même à tout autre pays où les tableaux de la nature aurait servi de cadre à ses premières émancipations. J'accorde qu'il savait gré à la Lorraine d'être la terre de sa 25e année, la forêt qu'il respirait, la rivière où il se baignait, le grand vent qu'il bravait avec toute la fraîcheur de son âge, mais enfin, C'est chez nous et sur notre sol qu'il dépensait les effusions naturelles aux jeunes gens généreux. À défaut d'une affection de naissance, c'était presque un amour de mariage. Il découvrait, créait, mûrissait en lui une Lorraine par à peu près. Il la composait assez bizarrement d'un amalgame de ses rêves, avec les notions que ses logeuses lui fournissaient. De lui-même, il sent la nature à la mode d'un Werther. Il s'y disperserait, et le cadastre le gêne. Bien souvent, avec ses camarades d'université, il a gravi des montagnes et fait de longues marches en forêt. Il s'emplissait alors d'un plaisir confus, dont il n'a gardé aucun bénéfice. Mais chaque soir, les dames boudochent, à la manière de nos religions occidentales, qui placent les déesses, les saints et les anges partout, un écran entre nous et la nature, lui nomment les châteaux, les autorités sociales, les souvenirs des cantons qu'il a traversés. Elles humanisent sa promenade de jour et l'envoient, la semaine suivante, au meilleur point d'où il verra les vertus de la terre lorraine. Ces belles précisions sauvent M. Asmus du vague. À la place d'une rêverie stérile qu'il aurait subie s'il avait été seul, le jeune Germain reçoit un excitant à la vie et voit naître dans son esprit une parenté avec les gens qui façonnèrent cette campagne. Pourtant, les enthousiasmes qu'il rapporte de ses excursions mettent mal à l'aise les dames boudoches. Elles sourient et se méfient. Certains mots et certaines idées d'ordre poétique, permis aux passants, ne sont pas de leur usage. Les emballements du locataire, fort sympathiques à coup sûr, leur paraissent tout de même un peu saugrenus. Exactement, M. Asmus entrait dans un état mystique. Il devenait celui qui a trouvé sa voie. Bien des choses pourraient l'attrister. Sa fiancée réprouve ses expansions lorraines. Rappelle-toi, Fritz, lui écrit-elle, comme ton père et le mien parlaient des Français, et toujours se trouvaient d'accord pour voir en eux les ennemis héréditaires de notre race. Mais le jeune homme est soutenu par le sentiment que depuis quelques mois, il se hausse à un degré supérieur de civilisation, et que ce perfectionnement, il ne pourrait y faire obstacle. Cette vue de converti entretient dans son cœur une sorte d'attendrissement, et même une émotion de reconnaissance, qu'il reporte sur les petits messins du collège.